La diversité. La population française est de plus en plus mélangée, car elle est d'origine variée. La diversité culturelle, c'est-à-dire le multiculturalisme, se développe. La société doit gérer l'immigration, c'est-à-dire l'arrivée de travailleurs étrangers, et proposer des solutions pour permettre l'intégration des immigrés. En même temps, on essaye de lutter contre les discriminations. Vous êtes d'où ? J'ai la double nationalité française et roumaine. Je suis moitié français, moitié roumain. Ma femme est française d'origine polonaise. Elle est naturalisée française depuis 10 ans. Elle a obtenu officiellement la nationalité française. Je suis beurre. Je suis né en France, mais mes parents sont maghrébins. Ils sont originaires du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Je parle aussi bien l'arabe que le français. Moi, je suis étranger, je suis réfugié politique. J'ai quitté mon pays et j'ai demandé et obtenu l'asile politique en France. J'ai fait mes études en Afrique et je suis francophone. Je suis philippine, je suis immigré en France. Je suis venu temporairement pour travailler. Je suis exilé, j'ai définitivement quitté mon pays pour des raisons politiques et économiques. Je ne sais pas si je pourrai y retourner un jour. Je vis en exil en France. Eh bien moi, je suis une petite provinciale. J'habite à Paris, mais je ne suis pas parisienne. Je suis bretonne. Je m'ennuie de ma province, où la vie est plus calme qu'ici.